Je me demande comment quelqu'un comme toi fait pour être quelqu'un comme toi. Je ne comprends pas. Tu dis toujours ce qu'il faut quand il faut. Tu as tant d'amis autour de toi qui n'aiment que toi. La nuit approche, l'enfer est à nous. Pas juste à moi, l'enfer est à nous. N'oublie jamais, l'enfer est à nous. Je t'ai rencontré un soir par erreur. Tu avais peur, j'avais froid. Souviens-toi. Tu n'as pas compris ce que je voulais. Tu croyais qu'un jour tu paierais. Mais tout a changé. La nuit approche, l'enfer est à nous. Pas juste à moi, l'enfer est à nous. N'oublie jamais, l'enfer est à nous. Quand je te croise dans la rue, je tourne la tête. Quand tu m'appelles, je fais comme si je n'entendais pas. Je me souviens déjà plus de ton nom. Dans quelques jours, j'oublierai même ton visage. La nuit approche, l'enfer est à nous. Pas juste à moi, l'enfer est à nous. N'oublie jamais, l'enfer est à nous. Je me demande comment quelqu'un comme toi fait pour être quelqu'un comme toi. Je ne comprends pas. Je me demande comment quelqu'un comme toi fait pour être quelqu'un comme toi. Je ne comprends pas. Je me demande comment quelqu'un comme toi fait pour être quelqu'un comme toi. Je ne comprends pas.